Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS. En direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprise bien sûr, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors nous sommes en direct du salon Franchise Expo Paris 2023 où je me trouve avec Julie Païs du réseau Mr Temp Group. Alors bonjour Julie, est-ce que vous pourriez vous présenter personnellement ? Bonjour Cédric, je suis Julie Païs, chargée de développement franchise pour Mr Temp Group depuis 2017. Bien, alors Mr Temp Group, c'est qui, c'est quoi ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, Mr Temp Group, c'est un réseau d'agences d'intérim et de recrutement en France. Nous avons trois marques. Vitalis Médical, qui est spécialisée sur des profils médicaux, paramédicaux, sociaux. Aquila RH, spécialisée sur des profils CAP, Bac plus 2, sur tous les secteurs d'activité. Et Lynx RH, qui est spécialisée sur des profils Bac plus 2, Bac plus 5, voire plus, dans les secteurs du tertiaire, de l'IT et de l'ingénierie. On sait parallèlement que le contexte actuel est un peu mouvementé. Hein. Je pense notamment à la crise sanitaire du Covid, la guerre aux portes de l'Europe, l'inflation. Bref, contexte mouvementé, on peut le dire. Alors comment se positionne votre réseau dans ce contexte ? Alors contrairement à la plupart des métiers de commerce qui subissent effectivement l'effet d'augmentation des coûts, sans pouvoir forcément l'imposer à leurs clients, le travail temporaire, lui, bénéficie de l'inflation. Les tarifs de l'intérim sont établis avec des multiples appliqués au salaire de l'intérimaire. Et si le salaire augmente, la facturation augmente. Et c'est le cas depuis un an. Alors vous êtes, j'imagine, sur un secteur concurrentiel, voire peut-être même très concurrentiel. Alors comment vous faites pour vous différencier ? Alors la première chose qui nous démarque, c'est que nous avons des agences en étage qui permettent en fait aux franchisés d'accueillir dans les meilleures conditions les candidats et organiser au mieux leur journée. La seconde chose qui nous différencie, c'est bien entendu le côté digital de notre groupe que nous développons depuis 2016. Et la nouvelle application d'ailleurs qui arrive en 2023 pour permettre aux franchisés d'être dans les meilleures conditions de travail et focus business. La troisième chose et le meilleur pour la fin, c'est que plus de 30% de nos franchisés aujourd'hui gagnent plus de 100K par an avec un investissement initial de 25 000 euros. Vous développez actuellement sous forme de franchise, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas vraiment ce fonctionnement, est-ce que vous pouvez les éclairer ? Qu'est-ce que c'est en fait la franchise ? Franchise Mr Temp Group, c'est un accompagnement sur mesure avec un directeur de développement en région et des équipes support au siège qui vous accompagnent quotidiennement. Donc on a le service juridique, le service communication, le back office, le service financier et une équipe également technique qui vous accompagne sur des outils qui sont propres à nous au quotidien. Bon, on va jouer au jeu du candidat, donc je me mets dans la peau d'un porteur de projet, d'un candidat à la franchise en fait. Pourquoi je choisirais votre enseigne plutôt qu'une autre ? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à la pointe du digital depuis 2016. On a une équipe technique de plus de 60 personnes qui travaillent quotidiennement sur notre outil. Des agences en étage, on est plus sur de la qualité que sur de la quantité. Le but, c'est de répondre aux projets de nos clients en termes de recrutement. Bien, nous arrivons déjà au terme de cette interview, donc j'aimerais vous laisser carte blanche pour le mot de la fin. Donc allez-y, quand vous voulez. Alors, si vous souhaitez entreprendre dans votre région, donner un nouveau sens à votre carrière professionnelle, eh bien, choisissez l'intérim, choisissez Mr Temp Group, qui est un groupe dynamique, en mouvement, toujours à la pointe du digital. Donc, rejoignez-nous. Comment faire pour vous contacter ? Alors, il vous suffit d'aller sur notre site www.mrtemp-group.com, de remplir le formulaire sur l'onglet « Devenir franchisé » et on vous contactera rapidement. Eh bien, un grand merci à vous, Julie Païs, et au réseau Mr Temp Group, pour vous être prêté au jeu de l'interview non préparée. Mais bon, vous le savez, Radio ETS est toujours là pour vous aider à mieux comprendre et mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Cette interview vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Mr Temp Group ? N'hésitez pas à le contacter sur mrtempgroup.com. Vous trouverez également le podcast de cette interview sur radioets.com, choisirsafranchise.com et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt. Merci encore Julie. Merci Cédric, à bientôt.